Alors, bah, bonjour à tous. Marie-Claude Bon, donc du laboratoire Futur Constructive, unité de recherche à l'OCC. Donc, j'ai commencé ma thèse en 2015, donc je suis en troisième année et en cours de rédaction de ma thèse. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être les grandes lignes de mon travail de thèse que je mène depuis 2 ans et comment j'ai pu en arriver à mon plan aujourd'hui. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais plutôt vous présenter comment mon travail s'est structuré. Donc je vais revenir dans un premier temps sur la notion de réemploi. Ensuite, je vais vous présenter rapidement le contexte de ma recherche qui se fonde sur 4 piliers. Donc la transition socio-écologique, 4 paramètres, 4 paramètres surprise. La notion d'architecture éco-responsable et les cultures constructives. Ensuite, je vous présenterai mon cadre de recherche et ma méthode de recherche, entre autres mes terrains, mes outils et ma méthode d'analyse, qui nous permettront de comprendre comment j'ai construit mon plan et comment tout cela impacte les projets. Donc avant tout, revenir sur cette notion de réemploi qui est souvent amalgamée à la notion de réutilisation ou de recyclage. Donc on choisit dans la thèse de suivre la définition proposée par l'ADEME, qui la définit en tant qu'opération par laquelle un bien usagé, conçu et fabriqué pour un usage particulier, est utilisé pour le même usage ou un usage différent. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que ce bien garde son statut de produit et ne devient en aucun cas un déchet. Donc c'est ce qui le différencie de la réutilisation et du recyclage. Donc au-delà de cette notion de législative du déchet ou du non-déchet, de garder le même usage ou d'avoir un nouvel usage, qui sont évidemment à prendre en compte et qui orientent le projet, le réemploi questionne de fond notre approche de la matière, aussi bien du point de vue technique, culturel et économique. Pour faire très rapide, c'est vrai que souvent on prend l'exemple d'une porte, une porte qui est endommagée. Donc la porte, une porte cassée, si on la répare et qu'on la réutilise en tant que porte, on va dire que c'est de la réutilisation. Si on la répare et qu'on en fait, par exemple, on en utilise en tant que bardage extérieur ou cloison intérieure, on va dire que c'est du réemploi. Et par contre, si on la transforme et qu'on la transforme en particules et qu'on réalise des panneaux MDF avec ça, ça va être du recyclage. Donc le recyclage nécessite quand même d'employer de l'énergie supplémentaire pour transformer. Et puis au-delà de ça, on perd la mémoire de l'objet. Donc c'est vrai que c'est une pratique qui répond de manière concrète aux enjeux de la transition en aidant à la réduction de la balance des déchets matériels, en soulageant l'exploitation de ressources fossiles ou vierges, en créant des emplois qui sont peu ou pas délocalisables, en stimulant une économie et en diminuant les impacts environnementaux du secteur de la construction. Donc en plus de ces pistes qui sont prometteuses, se déploie toute une logique qui est culturelle et historique. Donc cette pratique participe fondamentalement à la transmission patrimoniale, garante d'un héritage socio-culturel urbain, comme le précise souvent Jean-Marc Huygen, qui est l'instigateur du réemploi de manière théorique. Voilà quelques images qui sont tirées du catalogue de l'exposition Matière grise, qui sont assez révélatrices de la manière dont on doit considérer aujourd'hui nos villes et nos bâtiments. Donc prendre la ville aujourd'hui comme une mine urbaine et nos bâtiments en phase de non pas de démolition mais de déconstruction sélective. Tous les architectes et les acteurs de la construction qui sont engagés dans le réemploi aujourd'hui travaillent vraiment à rendre possible ces approches de la ville et du bâtiment. Donc, premier pilier de notre recherche, donc la thèse s'inscrit dans le cadre de la réflexion de la transition socio-écologique, une approche qui est plus large que la transition seulement énergétique. En effet, parler de transition socio-écologique propose une vision plus large des changements de paradigme opérés en intégrant, au-delà du seul versant technique, donc l'énergie, l'ensemble des actions sociales et des comportements dits écologiques. Donc la transition qui s'opère doit être globale, pour ne pas dire en fait intégrale, afin de rester dans une cohérence et une efficacité d'action. Il s'agit de prendre conscience que tout est lié et d'en rendre compte, à travers le projet notamment. Donc une transition énergétique, elle ne peut avoir d'impact à long terme si les manières de consommer et de se comporter n'opèrent pas également de mutation. Cela nécessite d'avoir une vision capable de va-et-vient entre le micro et le macro dans une attitude de compréhension, pour reprendre les termes de Buckminster Fuller. C'est un terme auquel on s'attache particulièrement, parce que Buckminster Fuller, lui, en garde tout le sens anglais, c'est-à-dire d'embraser dans un ensemble, d'englober, d'intégrer, et non seulement embrasser par la connaissance. Et il me semble que c'est une approche qui est assez clé pour aborder l'architecture aujourd'hui. Et puis, également, de faire preuve de reliance, qui est un terme que j'emprunte à Edgar Morin, je développerai un poil plus tard, et qui consiste vraiment à prendre du recul sur une situation et en analyser tous les liens dynamiques. Donc pour que l'architecture puisse être réellement durable, elle doit se désengager de la théorie héritée des modernes, largement déformée et simplifiée sous l'influence du développement industriel et capitaliste. Donc ce dernier a fait de l'architecture une des disciplines dont les domaines d'application font partie des plus consommateurs de ressources non renouvelables et un des plus gros producteurs de déchets. Le modèle de production de l'architecture pèse très lourd dans la balance des déchets produits en France. Le secteur du bâtiment génère environ 40 millions de tonnes de déchets par an, dont plus de 90% proviennent des travaux de déconstruction et de réhabilitation. Donc ça vient de source de l'ADEME. Et donc dans ce contexte de pénurie de ressources et face aux enjeux de la transition socio-écologique, l'architecte ne peut vraiment plus se permettre d'ignorer cette question-là. Donc ce qu'on peut observer, c'est que dans le domaine de la construction, les problèmes écologiques sont encore très souvent traités par des innovations techniques et technologiques. Donc les labels HQE, les écolabels, etc. inondent le marché et rendent compte d'un engagement écologique qui, au-delà de proposer un seul cadre de réglementation et d'ambition louable, répond prioritairement aux prérogatives d'un développement économique. Donc c'est vrai que dans cette thèse, on se met en position critique vis-à-vis du système et on montre qu'on est conscient aussi des dérives cachées derrière des terminologies qui contentent tout à fait la conscience sociale. Donc il y a de nombreux architectes, pas seulement en Europe mais de par le monde, qui se positionnent à distance d'une architecture de l'apparence, d'une architecture de l'objet, et qui se concentrent davantage sur l'élaboration de nouveaux modèles de développement pour répondre aux besoins d'une société et aux diverses crises. Donc parmi ces manières d'aborder le monde et ces transitions en cours, le réemploi prend place et alimente le débat éthique, technique et économique de la conduite du projet en architecture. Il permet aux architectes, en renouant la pratique à la recherche et aux sciences, donc les sciences politiques, sciences de l'éducation, sciences techniques, de repenser l'utilisation des ressources matérielles et immatérielles et de proposer une nouvelle organisation des réseaux et d'initier des processus de pensée et d'action afin de saisir et surtout de dépasser ces multiples transitions et contribuer à un nouvel équilibre global. Deuxième pilier, on part donc du principe que la transition socio-écologique doit se fonder sur une pensée des actions associées par constellation afin de répondre au mieux aux besoins urgents de faire avancer ces changements sur plusieurs lignes de front à la fois. Donc je situe moi ma recherche dans le cadre théorique que propose Sylvain Lavelle, qui est chercheur à l'IRCAM à Paris et à Lille, qui opte pour une transition plus juste. Il défend une transition polymorphe qui se fonde sur un changement d'oikos, de techné, de mutos et d'éthos, dépassant ainsi la seule question énergétique et intégrant des principes de justice sociale, de relations à l'environnement, d'éthique et de nouvelles relations socioculturelles. Je vous propose de la lire. Les conditions d'un changement en faveur d'une transition efficace et juste en Europe mobilisent plusieurs registres. La transition énergétique, surtout si elle doit opérer selon des principes de justice sociale, est un changement polymorphe. Il s'agit surtout d'abord d'un changement d'oikos, soit une vision nouvelle des rapports de l'espèce humaine et son milieu et à ses ressources, où gestion de la planète se conjugue avec interdépendance des nations. Il s'agit aussi d'un changement de techné qui ne se réduit pas à une somme d'inventions industrielles, même révolutionnaires, mais de passer par la production d'un nouveau système socio-technique dans lequel les innovations sont également sociétales. Il s'agit par ailleurs d'un changement d'éthos qui ne se limite pas à une somme de résolutions morales, mais suppose un nouveau système socio-éthique, lequel est nommé de sommet de se traduire dans une modification des habitudes de vie de tout un chacun. C'est enfin un changement de mutos, autrement dit la production d'un nouveau récit de changement susceptible de donner sens à l'action individuelle et collective. Nous trouvons, en fait, on peut vraiment y lire tout un programme d'action transposable à la discipline architecturale. Donc, je l'ai tout de suite rapproché du réemploi et dans son approche transversale du projet d'architecture. Les acteurs du terrain engagés dans le réemploi relient et interrelient de manière constante et souvent inconsciente ces paramètres à travers leur travail. Troisième pilier, donc, nous situons dans le cadre d'une thèse en architecture, il semble important que l'architecture démontre sa capacité à assimiler ses injonctions de la transition socio-écologique globale. Et donc se ranger dans le sillon théorique de Sylvain Lavelle nous ouvre à une approche globale de l'architecture. Et les cultures constructives en sont un exemple concret. Elles suivent une logique de situation et font preuve d'ajustement constant entre les ressources disponibles, le contexte territorial, culturel et économique. Elles nous intéressent particulièrement dans le sens où elles nous proposent un regard sur l'architecture éclairé par les deux termes de culture et de construction, ce qui nous renvoie respectivement à la sphère anthropologique et au domaine technique. Or, ces deux sphères sont constamment convoquées dans l'approche de l'architecture du réemploi. Et il est vrai que, du coup, selon cette conception particulière, il n'est pas tant question de forme, mais bien d'organisation, de processus et d'organisation écosystémique qui répondent donc à ces injonctions d'une architecture durable et éco-responsable. Donc il ne s'agit évidemment pas de prôner un retour à un modèle archaïque, ni de renier les innovations techniques, technologiques. Il s'agit vraiment, au contraire, de travailler à leur juste mesure de leur emploi. Donc, ce qui émerge en ce moment de mon travail d'écriture, c'est que finalement le réemploi ne serait pas une nouvelle culture constructive à créer, mais bien une culture constructive qui émerge d'une combinaison et une recombinaison de cultures constructives existantes. Donc là, sur ces images aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des procédés constructifs techniques similaires, par exemple la construction en pierre sèche, qui peut être reconvoquée ou en tout cas réempruntée avec des matériaux différents. Mais ce qui importe aussi, c'est de voir comment le réemploi va mobiliser aussi les immatériaux, donc ce qui vont être toutes les références historiques, la valeur du travail, les valeurs symboliques, et qui vont justement qualifier le vide construit autrement qu'avec des matériaux neufs. Donc voilà un petit aperçu de projets qui ont émergé suite à l'insertion d'éléments de réemploi. Je passe assez rapidement, mais c'est juste pour vous donner un aperçu visuel avec des processus de construction et temporels et avec les questions de collaboration, de transdisciplinarité qui émergent. On pourra y revenir, ça pourrait être un support de discussion plus tard. Donc quatrième et dernier pilier, donc on parlait d'architecture éco-responsable tout à l'heure. Et dès le début, nous, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'une architecture éco-responsable et comment le rapprocher des pratiques de réemploi. Donc c'est vrai que cette expression d'architecture éco-responsable est encore considérée d'un point de vue très technique et matériel. Et se pencher plus précisément sur le qualificatif éco-responsable nous ouvre à un programme plus complexe et engageant. En effet, on défend à travers le réemploi une architecture se fondant sur l'oikos, donc l'écho, donc la racine grecque de écho. L'oikos est alternativement traduit en grec en français par maison, famille, foyer, patrimoine. Donc ce seul terme tient donc en compte à la fois d'un cadre bâti défini, la maison, d'un système de travail et de relations sociales, l'unité familiale élargie, et d'une qualité de bien-être ensemble, de convivialité et d'hospitalité. Cet ensemble, régi par une économie, oikonomos, donc la gestion de la maison, cet ensemble est régi par une économie. La difficulté de définir ce thème en français démontre le programme d'envergure que propose la notion d'oikos. Elle est une forme d'organisation fondamentale, complexe mais évidente, et économiquement autonome d'une communauté. Elle retrouve son lieu de concentration et d'émancipation dans l'architecture et l'aménagement du territoire. Donc les cultures constructives mentionnées précédemment prennent compte de tout cela et ajoutent la qualité, le sens et la reconnaissance du travail ainsi que l'ensemble des métiers associés. Elles intègrent également dans leur développement les retombées économiques et sociales locales afin d'en asseoir des pratiques reproductibles. Donc ce qui change, ce qui apporte aujourd'hui, c'est la notion de responsabilité qui doit être adjointe au regard des enjeux actuels de la transition. Ce substantif n'étant pas revendiqué dans les cultures constructives traditionnelles, puisque celles-ci n'étaient pas confrontées à l'embarras du choix de matériaux, de techniques, de processus, ni même à la pénurie des ressources qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, l'architecte se doit vraiment de répondre à un devoir de responsabilité envers son environnement proche, naturel et culturel. Donc, suite à cette dissection du terme d'architecture éco-responsable, on peut y raccorder le programme que propose Sylvain Label à travers ces quatre paramètres à prendre en compte pour englober une action de transition. Donc la techné s'incarne dans la discipline d'architecture, le substantif éco prend tout son sens dans la notion d'écos, la notion d'écos est illustrée par la responsabilité et sous-entend la question de l'engagement. Et le seul terme d'architecture éco-responsable embrasse à lui seul la dernière notion de mutos, qui ouvre à de nouvelles manières de raconter la société, à de nouveaux récits à travers un langage de l'architecture et de ses acteurs réaffirmés. Voilà. Donc là, j'arrive à l'ensemble de mon cadre de recherche. C'est normal, c'est un aperçu global. On va faire du zoom après. Donc, pour vous montrer comment tout ce que je viens de vous présenter m'a permis de structurer ma pensée. Voilà. Donc, le titre actuel de ma thèse, donc c'est pas vraiment le titre qui figure sur le programme. Ça a un peu évolué parce que c'était le titre d'origine de ma... De mon projet de thèse d'origine, mais ça, voilà, ça évolue. Donc là, la thèse se base, donc, comme je viens de vous présenter, sur le constat indéniable de la non-soutenabilité du mode actuel de production d'architecture. Et nous, on pose la problématique suivante. Donc, comment cette pratique aujourd'hui marginale peut-elle être replacée en tant que pratique prioritaire, intégrée et organisée dans le monde de la production d'architecture ? À partir de cette problématique de recherche s'ouvre une hypothèse générale qui suppose que le réemploi est une nouvelle culture constructive du 21e siècle, donc en fait déjà temporisée, à re-questionner, puisque finalement ce ne serait pas une nouvelle culture constructive, mais bien une combinaison de cultures constructives, à accompagner en adaptant le cadre méthodologique de projet tout en redonnant une large place à l'expérimentation constructive et réflexive. Cette hypothèse présuppose la capacité du réemploi à recirconscrire des réseaux de relations qui se concentrent dans le projet, mais également sa capacité à développer une pensée dynamique et expansive comprenant les enjeux globaux et les spécificités d'un projet. On tâchera donc, en deuxième hypothèse générale, de démontrer comment les pratiques de réemploi créent de la reliance. La recherche a pour ambition d'en étudier les dynamiques et les constellations en vue de saisir la richesse de la complexité du projet territorialisé. Cette notion de reliance participe à réaffirmer une éthique de l'architecture qui est celle de baliser les conditions de l'être ensemble et de l'être au monde dans le contexte actuel d'une quête de soutenabilité globale. Voilà. Et pour répondre à ces deux hypothèses générales, on se concentre sur trois axes qui vont être en fait des sous-hypothèses. Je vous expliquerai comment elles ont émergé par la suite, qui vont révéler différentes natures de liens. Donc, l'expérimentation constructive et réflexive génère autant de savoir-faire constructif que du savoir-être. Donc, ils vont poser vraiment les bases aussi d'une culture constructive du réemploi. Ensuite, les pratiques de réemploi ouvrent à une diversification des méthodes et des outils de projet qui vont permettre d'initier des processus de transition. Et enfin, le réemploi stimule une diversité des pratiques et des métiers dans le domaine de la conception et de la construction. Notre corpus fait dialoguer deux terrains, le terrain de la pratique et le terrain de la pédagogie. D'un côté, une série d'architectes engagés dans la pratique du réemploi. Ces architectes sont français, entre Paris et Grenoble, et belges et néerlandais. Ils offrent un panel d'expériences dans le domaine, soit très avancé, visant la montée en compétences, soit de manière plus ponctuelle et expérimentale. Ces différentes manières d'aborder le sujet offrent une diversité d'outils et de processus appliqués dans le projet qui ont pu nourrir la critique et puis asseoir les bases d'une culture constructive du réemploi. L'observation immergée en agence et sur les lieux de production de l'architecture nous ont permis d'appréhender au mieux les réalités du terrain du projet. La tenue du carnet de bord aussi nous a permis de relever certains détails, de nous attacher aussi plus spécifiquement au processus de projet, à sa complexité, aux tenants et aux aboutissants techniques et humains plutôt qu'aux seuls résultats produits et final. On a réalisé toute une série, une somme d'entretiens qui ont donné lieu à une analyse des processus issus du cadre opérationnel. Voilà, et donc en fait le deuxième corpus, nous avons monté un module pédagogique proposant une introduction aux pratiques de réemploi au sein de l'école d'architecture de Grenoble, qui est un module qui entre dans le cadre des optionnels de master. Donc le montage et la conduite de ce dernier nous ont permis d'aborder le réemploi sous un autre angle que de l'entretien et la recherche documentaire, en nous plongeant directement dans la pratique constructive et pédagogique. Et ce module donc nourrit le projet de recherche que l'on mène en parallèle au sein du laboratoire Culture Constructive, donc un projet de recherche qui découle d'un appel à projet interministériel sur la considération du patrimoine architectural du XXe comme ressource pour nourrir l'architecture du XXIe siècle, que l'on mène sur 3 ans jusqu'en juillet 2019. Et c'est un projet qu'on mène en partenariat aussi avec les ingénieurs de l'Université de Grenoble-Alpes. La manière dont mon plan a émergé, la définition de Sylvain Lavelle nous semblant pertinente et en phase avec ce que suppose la pratique du réemploi, nous a permis de donner une direction forte dans le processus de recherche, ainsi qu'à poser un cadre d'analyse des données. Elle a fortement influencé la construction de la pensée en posant ces 4 axes interconnectés pour aborder la problématique. L'ensemble des types de données récoltées pendant l'enquête menée sur le terrain et à travers la recherche documentaire a été classé selon 7 axes de classement. Donc les 4 paramètres de Sylvain Lavelle, Oikos, Techné, Ethos et Mythos, desquels ont émergé une grille d'analyse que j'appelle OTEM, donc Oikos, Techné, Ethos et Mythos. Donc en fait, à chaque fois, j'ai essayé d'affiner sur le terrain et d'après ce que j'ai pu récolter comme données à partir des entretiens, de l'affiner selon des critères d'analyse et des paramètres à développer. Donc voilà un petit exemple, on pourra y revenir ou je pourrais vous traduire vu que c'est en pâte de mouche. Et ainsi que 3 autres axes, donc les outils, l'expérimentation et les métiers, donc comme je viens de vous exposer pour mes 3 sous-hypothèses. Ces 3 derniers ont été choisis suite au travail de terrain et émergent directement de la pratique et du projet. Et on a vraiment choisi de les choisir pour structurer le plan afin de centrer toute la recherche sur la discipline architecturale. Et les 4 autres axes, donc l'oikos, la techné, l'éthos et la mutos, sont disséminés et abordés dans chacune des parties et relèveront leur importance et interaction selon chacun des sujets abordés. Donc c'est plutôt à la fin de chacun des temps, des 3 temps qui structurent le plan de ma recherche, qu'une conclusion relatera de leur interaction selon les sujets abordés. Et donc là, une petite capture d'écran qui vous montre comment mon plan intègre et essaye de jongler, donc en code couleur, en bleu c'est l'oikos, en rose c'est la techné, etc. De voir comment tout ça s'imbrique et comment j'essaye de à chaque fois de d'aborder ces quatre paramètres au sein de ma recherche. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup Marie pour ta présentation. Ce que je vous propose, Manuel, c'est en général, on fait ça en fin de doctorat, de commencer d'ouvrir le débat par vos questions pour Marie et vos différentes remarques, et ensuite je laisserai la parole aux différentes questions de la salle. Donc je vous propose de commencer. Bon, merci beaucoup pour la présentation. C'était très riche, mais c'est normal. Je crois que cette histoire de faire une thèse, c'est pas évident, et surtout une discipline comme l'architecture. En tout cas, je vois beaucoup de références, je vois beaucoup de travail. Ça, c'est quelque chose de très important, de pouvoir mettre en évidence, parce que des fois, on n'a pas le temps, on fait que vomir une quantité d'informations et on n'arrive jamais à structurer des choses. Donc, je crois que c'est important d'avoir au moins réussi à structurer des gros morceaux. Par contre, moi, j'aurais des questions peut-être. Ça ne serait pas des questions au niveau de la forme, parce que bien évidemment, c'est manque encore un peu de travail. J'imagine que vous êtes en pleine rédaction, donc voilà, la question de la mise en forme, elle va être pour après. Mais ça serait plutôt par rapport à la façon dont vous avez parlé, bon, déjà de ce premier schéma que vous montrez, qui semble être votre... comment l'appeler ? Oui, c'est une façade, mais comme toute façade, elle part beaucoup aussi. Donc voilà, je crois que cette façade, elle devrait être... En tout cas, je ne l'ai pas très bien suivie. Je vois que je comprends ce que vous essayez de faire, mais je ne sais pas si elle a compliqué pour moi. Il y a beaucoup d'informations, donc des fois, gérer tout ça, c'est un peu compliqué. Mais... Si elle était là plutôt pour gérer un peu la présentation au lieu de gérer véritablement structurellement le déroulement de la thèse, ou en tout cas de la recherche. Parce que ensuite, quand je vois ce que vous avez fait avec Oikos, Ethos, Techné et Mutos, je reste un peu sur ma faim de voir de quelle manière vous avez traité chaque élément. On voit que vous êtes en train de faire dans la rédaction, de démembrer un peu votre recherche de manière à faire suivre toutes ces histoires-là. Mais je ne sais pas si cette oikos, ethos, techné, mutos est vraiment, devrait être au cœur finalement de... Ça l'est, mais au niveau peut-être de la présentation. En même temps, je crois que vous mobilisez par exemple Morin avec la question de la distinction qu'il fait entre ordre et organisation dans sa méthode et sa pensée complexe ou pensée systémique, ce qui est important, mais c'est pour ça que ça m'a étonné de ne pas voir par exemple une sorte de sagesse de la maison au lieu de voir les normes ou les règles de la maison, c'est-à-dire l'économie, de voir comment on pourrait penser aussi une écosophie, c'est-à-dire une sagesse de la maison, de cette oikos vis-à-vis de l'architecture, de comment l'écosophie pourrait avoir aussi un rôle. En même temps, je me poserai la question, vous parlez d'éthos, et cet éthos, je ferai le lien aussi avec la dimension peut-être non seulement éthique, mais aussi esthétique, c'est-à-dire comment cette éthique comporte forcément une esthétique, et c'est peut-être quelque chose d'un peu vide dans votre démarche. C'est là où je me suis dit que peut-être la question de ce module que vous êtes en train de mettre en place avec d'autres personnes, avec des étudiants, un module pédagogique qui semble très très intéressant. Je me poserai la question, quelles sont les données qui ressortent de ce module, en fait, est-ce que par exemple des questions comme l'éthique ou l'esthétique peuvent être travaillées au sein de ce module? La pratique comme une éthique ou comme une esthétique, ça pourrait être aussi une piste à développer. Et ensuite, est-ce que votre but, votre mission, n'est pas quelque part de créer une sorte de structure anthropologique des cultures constructives. En fait, comment l'architecte pourrait se servir de quelque chose de l'ordre d'une... Bon, je l'appelle structure anthropologique, mais je ne sais pas si c'est votre objectif, en fait, dans votre démarche. Mais je sens qu'il y a cette volonté de cartographier un peu ces cultures constructives, de générer ces atlas de cultures constructives pour pouvoir développer vos liens entre la technique, l'oikos, le mythos et l'éthos. Donc, en tout cas, je trouve que le travail est assez courageux, parce qu'il est très complexe. C'est vrai que des fois Morin aide, mais des fois aussi il peut ensuite, si on l'aborde pas d'une façon comme un tout, la pensée d'Edgar Morin peut être aussi quelque chose qui peut démembrer la façon d'aborder un objet de recherche. Voilà, je sais pas si c'est clair. Il y a pas mal de choses que j'ai essayé de comprendre, peut-être de revenir sur quelques aspects, de clarifier quelques choses. Moi, je voudrais bien seulement dire tout ça d'un seul coup, comme ça. Et ensuite, on pourrait travailler peut-être des petits... Ouais, mais je vais essayer de répondre à quelques points. Ce petit schéma, évidemment, ne structure pas mon plan, ni toute ma recherche. C'est un schéma qui a émergé pour construire cette présentation. Mmh. Pour être clair sur, au bout de 2 ans, comment est-ce que je peux présenter mon travail, c'est très... il n'y a pas 3 semaines, ce schéma. Donc c'est normal qu'il soit aussi limité, parce qu'évidemment, c'est, encore une fois, c'est qu'une façade. Et puis, il sera sûrement amené à bouger. Puis, ça reste la simplification d'une pensée très complexe. Donc c'est toute la fonction d'un schéma. Mais la notion, comment est-ce que les notions de ces 4 notions de force technique, d'étance et de mythos, elles ne sont pas au cœur de ma recherche, mais elles ont été, j'insiste sur le fait qu'elles ont clairement orienté ma manière d'aborder, de construire mes entretiens, d'aborder mes terrains, de les analyser en me disant que voilà, c'est... en fait, ça a été vraiment un appui pour à chaque fois me positionner de manière... d'avoir un regard très transversal, pas seulement orienté que sur les notions de territoire, les notions de routine, mais d'avoir en permanence cette interrelation constante dans ma manière d'observer les choses. Après, toute la difficulté, oui, c'est... J'ai hésité au départ à construire mon plan à partir de ces 4 paramètres, mais finalement, ça descend très vraiment de la pratique. Ça nous écartait de l'architecture, donc ça m'orientait plus vers une thèse d'anthropologie. Donc elle est présente, mais comme je disais, elle est disséminée complètement dans chacune de mes parties. Et donc la partie qui va traiter des outils, des méthodes, évidemment, beaucoup plus revêt des techniques, de la notion de techné, mais en même temps, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment finalement elle oriente aussi, et elle renforce une notion d'écho, et puis elle fait appel à aussi au cas de l'énumération. Donc elle n'est pas centrale, mais en tout cas elle oriente ma manière d'aborder, enfin même de rédiger ma thèse. Pour la notion d'esthétique, c'est aussi des choses qui arrivent en cours de rédaction et d'observation. Évidemment que je vais complètement l'aborder, encore plus dans la question du réemploi, où il y a toute une esthétique du réemploi qui est liée à un imaginaire social, un imaginaire professionnel, etc. Le réemploi doit aussi complètement se détacher d'une esthétique marginale, d'architecture de festival, etc. Donc, Et beaucoup d'architectes, ceux qui travaillent aujourd'hui, travaillent aussi vraiment à élever cette esthétique, pour qu'elle puisse révéler tout le travail de l'architecte, qui est l'art de la composition, l'art d'assembler, pour en faire quelque chose d'harmonie, puis révéler aussi des compétences, des savoir-faire. Donc la question de l'esthétique va être évidemment abordée. C'est peut-être un des... J'avance ça parce que c'est quelque chose qui émerge en ce moment dans mon travail d'écriture, mais je me pose presque à ajouter un paramètre supplémentaire au cause technitos mythos, c'est peut-être l'esthésis en grec. Mais ça, c'est pour rester dans une logique de pensée, mais bon, voilà, c'est pour voir comment justement le réemploi appelle encore plus à cette notion d'esthétique. J'ai pas forcément, quand vous parlez d'une structure anthropologique des cultures constructives, je pensais pas forcément au domaine de l'application ni mon objet de travail, mais vu que je fais partie du laboratoire culture constructive et de l'unité de recherche culture constructive avec l'architecture urbaine et culture constructive avec le laboratoire Cratère, c'est vrai que c'est une base de départ. Donc, c'est pas l'ambition de mon projet de faire ce travail-là, mais en tout cas, oui, je m'attache à essayer de bien les définir, de bien les analyser pour voir comment le réemploi, justement, récupère certaines approches, certaines logiques de situation, la logique de réseau, d'incrémentalisme, etc. Donc voilà, je vais plutôt analyser leur mode de structuration. Donc, voilà, je ne sais pas trop ce que je pourrais rajouter, je ne sais plus ce que vous m'avez dit, mais... Ah oui, ici par rapport au module pédagogique, ce qui en ressort, déjà beaucoup de choses, ce qui en ressort, c'est que un gros travail de transition de la part des étudiants, on rapproche de projets à mettre en place, mais aussi de la part des enseignants, notamment dans la forme, dans la manière de poser un sujet, la manière d'accompagner, pour vraiment aider les étudiants à s'engager autrement vis-à-vis du projet, en apportant de la ressource, en essayant d'avoir beaucoup plus d'interactions entre le français et le faire, donc c'est vraiment de ce cadre-là. Nous on travaille vraiment, vu que c'est un format pédagogique qui a très peu d'heures, on s'attache plutôt maintenant à travailler sur des objectifs qui sont assez définis, notamment travailler sur un outil, la diagnostic ressource par exemple, est-ce qu'il peut impacter le projet. Donc c'est plutôt de cet ordre-là. Et voir, l'analyse que j'en fais, c'est voir finalement quelles sont les mutations nécessaires pour que ces étudiants puissent avoir une autre approche, en fait, une autre entrée dans le projet. Si je suis très claire. Oui, mais en fait, quelle est la place de ce module donc, dans votre... La place... C'est-à-dire dans toute votre démarche, dans la manière dont vous êtes en train de monter, d'argumenter, de démontrer, de répondre à cette question des pratiques. En fait, à la base, ce module, il participe aussi à répondre au fait que dans mon temps qui développe ma notion d'expérimentation, et donc de voir comment la pédagogie peut être un laboratoire d'expérimentation servant la pratique architecturale. Donc on travaille aussi en étroite collaboration avec des architectes praticiens qui sont engagés dans la question de l'emploi. Donc c'est essayer de voir comment la pédagogie peut être un pont avec la recherche et avec la pratique. Donc il y a cette notion-là, de voir comment, pour le sujet du réemploi, on peut nous essayer de se permettre de mettre en place des expérimentations en termes d'outils, en termes de mode de travail, qui pourront justement servir la pratique, parce que les praticiens n'ont pas le temps, pas les moyens, pas forcément le cadre normatif, etc., pour mener de telles expérimentations. Donc c'est un laboratoire, c'est de la recherche-action en fait, dans le cadre pédagogique, qui est en fait hors norme et qui nous permet justement de tester des leviers à activer pour mettre en place un sujet d'emploi. Et voilà, on est à l'origine en relation avec un aménageur de la ville. Bon voilà, et en fait, c'est vrai qu'il y a quelques échecs dans ce projet de recherche qui permettent de comprendre aussi que voilà, la notion d'expérimentation constructive, elle n'a pas forcément sa place dans le système de production aujourd'hui, de voir que les plannings ne sont pas les mêmes. Donc en fait, voilà, c'est surtout un regard extérieur qui va nous permettre sur les différentes relations qui sont mises en place, qui nous la recherche. Merci à vous deux. Je ne sais pas s'il y a peut-être quelques questions dans la salle que vous voudriez poser à Marie suite à son intervention. Oui. Alors, moi j'en ai une donc, qui vient de l'extérieur, forcément. Alors, bon, il y a d'abord un petit problème de forme. Pour un antiquisant comme moi, Mythos écrit avec un U, c'est du pur snobisme. Les langues latines, depuis 2000 ans, transcrivent le Y avec un Y. Tout simplement. C'est un Y qui se prononce I depuis plus de 2000 ans. Tout simplement. Donc voilà, c'est effectivement quand des sociologues par exemple, utilisent ces termes en mettant un U, ça nous apparaît purement snob, parce que ça n'a aucune raison d'être linguistiquement parlant, sur le choix. C'est un détail formel. Ma question était peut-être dans l'étude du temps, puisque vous avez évoqué votre bibliographie, les équipes hollandaises, etc., des gens ici aussi qui travaillent sur le sujet. Est-ce que vous êtes remonté dans le temps? Alors, je pose la question, je la pose à Valérie aussi. Hein. Ce qui se passe, je dirais, sur les 40 dernières années, dans certaines approches architecturales liées, on va dire, à une conception plus écologique de l'architecture, de savoir si on est actuellement dans une véritable invention ou dans une réinvention. Ah oui, mais j'ai complètement replacé ça dans... D'accord, mais vous avez des exemples de la littérature qui vous permettent de remonter sur 30 ou 40 ans. Oui, il y a déjà tout ce que le corpus de la contre-culture américaine et après en France. Donc là, il y a énormément de données sur l'architecture comme moyen de contestation politique et écologique. Mais plus spécifiquement, pour revenir à l'aspect techné, justement, sur le réemploi, tel que vous l'avez défini, hein, suivant la vision de l'ADEME, c'est une bonne solution. Est-ce que vous avez, si je dirais, une forme d'évolution dans les pratiques architecturales? Est-ce que vous avez des régressions? Est-ce que c'est quelque chose qui est en permanence en développement? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on réinvente un peu actuellement après l'avoir oublié? Le réemploi? Oui. Parce qu'en pratique vernaculaire, c'est évidemment éternel, si je puis dire, parce que c'est... Dans le domaine professionnel, à moins que ça se fasse de manière très ponctuelle et non manifestée, le réemploi, ces dernières années, non, n'est pas ou peu employé, notamment dû aux conditions au système de production d'architecture, et donc tout le cadre normatif, assurantiel, etc., qui ne permet pas... moyennant beaucoup de temps et donc de l'argent et de risques qui ne permet pas en tout cas depuis ces dernières années ou en tout cas c'est pas manifesté de manière notoire quoi. Mais en effet après il y a toute cette constance que l'on observe dans l'architecture dite vernaculaire ou en tout cas dans l'architecture plus de l'ordre de l'autoconstruction qui ne rentre pas dans le cadre professionnel de l'architecture. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Oui. Je voulais poser une question sur l'actualité. Lundi, il y a eu une déclaration du gouvernement. Comment? Lundi, il y a eu le lancement d'un plan par le gouvernement sur l'économie circulaire. C'est pas intéressant, et tu l'as déjà fait, d'intégrer un regard sur ce qui est prévu, sur ce qui est envisagé, peut-être avoir un regard critique là-dessus, et mettre aussi en perspective peut-être des propositions d'évolution sur un certain nombre de choses qui sont perçues sur ce qui est prévu. Donc au niveau gouvernemental, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages de faire? Pour moi, je trouverais assez intéressant. Bah, peut-être encore plus loin sur, pourquoi pas, être force aussi de proposition par rapport aux pratiques que tu as pu constater et des décisions qui sont prises, donc, bien sûr, des réductions de TVA, des encouragements qui sont plus sur le recyclage, si j'ai bien compris. Mais non, est-ce qu'on ne pourrait pas déboucher peut-être carrément sur des choses comme ça? Bah, en fait, il y a déjà, beaucoup de travail de groupe qui sont enclenchés de ce côté-là, notamment sur cette circulaire de mais également aussi dans tout le cadre du permis de faire, de la stratégie nationale d'architecture. Moi, je ne compte pas forcément me plonger dans toute cette sphère législative, etc. Parce que, en fait, je n'en ai pas forcément les compétences ni l'expérience même. Mais je travaille avec Bellastock, avec Rotor en Belgique, avec d'autres acteurs, des praticiens qui travaillent en parallèle avec leur pratique sur le terrain, qui est une pratique surtout expérimentale, à faire évoluer justement le cadre normatif et à intégrer toute cette... ils se battent vraiment pour que la notion du réemploi et la pratique du réemploi ait une place égale au recyclage. Voilà. On peut peut-être préciser aussi que l'ADEME a mené tout un... une étude sur les freins et les leviers et que du coup tu te situes tu te différencies et tu utilises leur travail et ce que tu fais se situe un petit peu à côté. Oui, voilà. J'ai une question par rapport au résultat attendu finalement. Est-ce que c'est un échec? Enfin, parce que tu dis le réemploi déploie une culture nouvelle, en même temps tu dis c'est une combinaison de cultures traditionnelles, un peu question. Et en fait, et par rapport à la méthodologie que tu emploies, c'est-à-dire de l'observation, si j'ai bien compris, des agences qui pratiqueraient cette perspective-là, et puis. En même temps, l'implication ou l'observation, je n'ai pas bien compris dans la module pédagogique. Qu'est-ce que ça mène à quel type de démonstration C'est promouvoir le réemploi? Oui, promouvoir ça, le réemploi, mais éthique, je pense que c'est aussi lui donner. Je pense que au-delà de promouvoir et de. Moi, je suis moins du côté de justement le rendre praticable, mais je pense que je suis plus dans la perspective de le théoriser, de lui donner du sens. De lui donner du sens et de lui donner aussi une crédibilité à travers. Tout en sachant que ça peut participer de la construction d'un paradigme de l'architecture. Oui, sûrement. En fait, c'est. Ouais. Même s'il y a une éthique derrière de tout ça. Cela. J'en ai abouti à ça. Okay. Sur l'action du paradigme. Après, j'ai trouvé dommage qu'il n'y ait pas tout élément sur la méthodologie. Qu'est-ce que tu observes, comment, et quels sont les éléments qui permettent d'avancer dessus. Sur quoi? Enfin, sur des techniques, sur des corpus, des freins, des leviers, comme ça vient d'être dit. C'est très intéressant. C'est quand même mes trois. Là où ce sur quoi je vais aboutir, c'est montrer comment mes trois temps, la notion comment l'expérimentation constructive réinsère ou réintègre. Le processus de projet, de quelle manière? De manière ponctuelle, de manière au préalable du projet. Donc, comment justement la pratique, recherche et pratique, donc, vont se réimbriquer. Donc, c'est vraiment comment le processus de projet se réorganise, en tout cas, moins structuré par de manière très conventionnelle. Après, ce qui va pouvoir émerger, c'est peut-être une certaine énumération et description des outils qui ont été créés ou qui sont mis à jour Le diagnostic ressources, qui est en fait un croisement du diagnostic déchets, du diagnostic patrimoine. Donc c'est intéressant de voir ces outils qui sont mobilisés de manière assez différente par les praticiens. Mais il y a aussi comment ils vont remobiliser le workshop, l'exposition, la pratique artistique qui va nourrir en parallèle. Donc en fait, il y a tous les outils et les méthodes dont s'emparent ces praticiens pour justement enclencher un changement, enclencher la transition. Et puis enfin, il y a aussi analyser comment les architectes, le rôle des architectes aujourd'hui, c'est, ne va plus forcément se contenter à être à mission maîtrise d'œuvre, mais de plus en plus, en tout cas ceux qui sont engagés dans l'emploi, mais à mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, d'experts conseils, voilà, il y a d'autres métiers qui émergent, des valoristes, etc. Donc voilà, c'est aussi faire rendre compte de ce qui émerge et de ce qui s'adapte